إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلوات الله وسلام عليه وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Donc on continue بإذن الله تعالى وبعون الله عز وجل l'explication du livre من كنوز القرآن الكريم للشيخ العلامة عبد المحسن العباد البدر حفظه الله تعالى. Donc on s'est arrêté au verset de Surat Yunus ou Yusuf Arfan Nam. Surat Yusuf et le verset 109. فيقول الشيخ قوله تعالى وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. Donc ça c'est le verset Yusuf et c'est le verset 109. Nous n'avons envoyé avant toi que des hommes originaires des cités à qui nous avons fait des révélations. Ici il y a donc deux termes, Rijalan et ensuite Ahl al-Qura. Et par rapport à ça, le Cheikh il va parler. Il va informer de ce que contient comme information ce verset. يقول الشيخ في هذه الآية الكريمة بيان أن الرسل من الرجال لا من النساء لأن الرجال أكمل من النساء. Le Cheikh nous dit dans ce verset, Allah Azza wa Jal nous informe et met en évidence que les envoyés sont des hommes, que les envoyés sont des hommes et non des femmes. Et quelle est la raison de cela? Il nous dit le Cheikh, quelle est la raison de cela? C'est que les hommes sont plus complets que les femmes, sont plus complets à plusieurs niveaux par rapport aux femmes. Donc pour que cette mission, qui est donc une mission prophétique et qui est donc la mission de transmettre ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre, alors il faut que la personne soit la plus complète possible. Donc on voit pour cette raison-là, Allah Azza wa Jal a choisi les hommes et n'a pas choisi les femmes. Et bien sûr parmi les hommes, il a choisi ceux qui étaient les plus complets, c'est-à-dire donc degré après degré. يقول ابن كثير. Donc le Cheikh en fait il va nous rapporter une parole d'Ibn Kathir. يقول وهذا قول جمهور العلماء, c'est-à-dire que ceux qui ont été envoyés parmi les humains ce sont les hommes et non les femmes. يقول وهذا قول جمهور العلماء, donc c'est la parole de la plupart des savants. الجمهور c'est-à-dire la plupart des savants, la majeure partie des savants. كما دل علي سياق هذه الآية, comme en fait l'exposition de ce verset nous le prouve. فيقول ابن كثير أن الله تعالى لم يوحي إلى إمراة من بنات بني آدم. Donc وحي تشريع. Qu'est-ce qu'il veut dire, cher? Il dit donc Ibn Kathir qu'Allah Azza wa Jal n'a pas fait de révélation à une femme parmi les femmes ou parmi les filles d'Adam, sauf ou plutôt une révélation qui est considérée comme une révélation législative, comme une révélation, comme une révélation législative. Wahyi tashri'a. Et pourquoi cela? Parce qu'on va voir en fait qu'Allah Azza wa Jal, il a révélé à certaines femmes, mais cette révélation n'est pas considérée comme une révélation législative. Donc à partir de là, elles ne sont pas considérées comme des envoyées. Elles ne sont pas considérées, les femmes, comme des envoyées. C'est pour ça qu'il dit Ibn Kathir وَزَعْمَ بَعْضُمْ أَنَّ سَارَ إِمْرَةُ الْخَلِيلِ, c'est-à-dire Sarah qui est bien sûr la femme de Ibrahim, la femme de Ibrahim et qui s'appelait bien sûr Sarah. Et également Moussa, la mère de Moïse. Et également Maryam bint Imran, c'est-à-dire Marie, la fille de Imran. Isa, c'est-à-dire bien sûr la mère de Jésus. La mère de Jésus. Le Cheikh dit en fait qu'elles ne sont pas considérées comme des prophètes, ou plutôt des envoyés, des femmes envoyées, des femmes prophètes. Et ceux qui ont dit ça, ceux qui ont dit en fait qu'elles sont considérées, certaines personnes ont dit, ou certains savants ont dit qu'elles sont considérées comme des envoyées, ils ont pris en fait une base, ou ils ont pris plutôt une preuve, et c'est le verset suivant. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. Donc ça c'est ce verset là où Allah Azza wa Jal nous informe, nous avons révélé à la mère de Moïse de l'allaiter. Nous avons révélé à la mère de Moïse de l'allaiter. وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ أَنْ أَرْضِعِيهِ. Et donc le verbe ici وَأَوْحَيْنَا, donc qui vient du terme الوحي, qui vient du terme الوحي. On voit ici qu'il y a une révélation et qu'Allah Azza wa Jalla a révélé. Et c'est à partir de là que certains savants ont dit qu'il y a parmi des femmes des envoyés. Et le Shir Ibn Kathir, il précise bien. Il précise bien en fait que cette révélation, c'est une révélation, vu qu'Allah Azza wa Jalla utilise ce terme dans son Coran, comme ce verbe-là, ou Awhayna, c'est une révélation qui n'est pas considérée comme une révélation législative. Donc à partir de là, on ne peut considérer ces femmes-là comme des envoyées. Parce qu'Allah Azza wa Jalla tout simplement leur a donné des ordres de manière directe, mais qui les concernent elles-mêmes. Qui les concernent en fait elles-mêmes. Et qui ne concernent personne d'autre. Qui ne concernent personne d'autre. Donc à partir de là, elles ne sont pas considérées comme envoyées prophètes. L'envoyé le prophète, c'est celui qui a la mission de transmettre. Ici, elles n'ont pas eu la mission de transmettre. Donc ça c'est l'exemple à partir du verset de Umm Moussa. Et également dans le verset où Allah Azza wa Jalla a fait la bonne annonce à Sarah de la venue de son fils qui s'appellera Ishaq, et après Ishaq bien sûr Yaqub. Là aussi c'est une annonce qui a été faite de la part d'Allah Azza wa Jalla par l'intermédiaire des anges. Comme il dit le وَاحْتَجُّ بِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ بَشَّرَتْ سَارَةَ بِإِسْحَاقَ وَمِنْ وَرَاءِ إِسْحَاقَ يَعْقُوبَ. Donc ça c'est une bouchra, une bonne annonce qui est faite à Sarah de la part d'Allah Azza wa Jalla par l'intermédiaire des anges. Mais c'est tout simplement une information qu'Allah Azza wa Jalla lui fait passer. Taïb. De la même manière que l'ange ou l'ange qui est venu auprès de Maryam et qui lui a également fait annonce de qui? De Isa alayhi salam, de Jésus. Comme dans le verset suivant, وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ. Lorsque les anges ont dit ô Maryam, إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Allah Azza wa Jalla, certes Allah Azza wa Jalla, il t'a choisi. Il t'a élu, il t'a choisi. وَطَهَّرَكِ. Il t'a rendu pur. Il t'a rendu pur. وَطَهَّرَكِ. وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ. Et il t'a choisi, il t'a élu parmi toutes les femmes du monde. الْعَالَمِينَ. Toutes les femmes des mondes. Toutes les femmes des mondes. يَا مَرْيَمُ قُنُوتِ لِرَبِّكِ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّاكِعِينَ. Donc on voit ici dans ce verset également qu'Allah Azza wa Jalla a envoyé un ange pour lui faire cette annonce-là, à qui? À Maryam. Donc on voit bien ici que c'est une annonce qui est faite, mais qu'Allah Azza wa Jal ne l'a pas chargé d'une mission, chargé de transmettre. Donc à partir de là, ne sont pas considérées ces trois femmes qu'on a citées, donc Sarah et la mère de Moïse, Umm Moussa, et Maryam, la mère de Jésus, elles ne sont pas considérées comme des envoyées. Mais elles sont tout simplement considérées comme des femmes à qui Allah Azza wa Jalla a fait une révélation qui leur est propre à elles, en leur donnant une information, une bonne annonce, ou leur ordonnant de faire une chose qui les concerne elles-mêmes. C'est pour ça qu'il dit le shir wa hadha al-qadru hasilun lahunna, c'est-à-dire que cette partie de la révélation leur est advenue. Wa yaqul walakin yalzam. من هذا أن يكون نبيات بذلك. C'est-à-dire, cela n'implique pas qu'elles soient en fait, cette révélation donc, qu'on a citée ici n'implique pas qu'elles soient considérées comme des envoyées. طيب. لكن هذا القدر من التشريف كما يقول الشيخ. C'est-à-dire ici c'est un tashrif, c'est-à-dire c'est un honneur qui est fait à ces femmes. C'est un honneur qui est fait à ces femmes. Et c'est pour ça en fait qu'Allah Azzawajal leur a fait cette révélation, pour les honorer, ces femmes-là, qui occupent une grande place dans l'humanité. Et Allah Azzawajal, donc pour les honorer, pour montrer la grandeur de ces femmes, il leur a fait révélation. Donc, Hada, Mimbab al-Tashrif. Ou Hada la Shak Kafi, comme il a connu Cher. Fahada la Shak Kafi. Il n'y a pas de doute par rapport à ça. Mais est-ce que, et ça c'est la parole en fait, c'est la parole qui va être donnée par un des savants, et qui s'appelle Abu al-Hassan al-Ash'ari, et qui en fait, lui qui rapporte la parole de Al-Sunnati wal-Jama'a. Et comme vous savez, Abu al-Hassan al-Ash'ari, même s'il y a eu, il a eu des déviations au niveau de la croyance au début de sa vie, ensuite il s'est repenti. Ensuite il s'est repenti, il est revenu, comme tout le monde le sait, sur la croyance des Al-Sunnati wal-Jama'a. Donc lui, il a rapporté une parole, ou la parole des savants de la sunna et du consensus pour ce point-là. C'est-à-dire, est-ce que Mujarrad al-Kalam, c'est-à-dire simplement une simple révélation qui ne comprend pas d'ordre de transmettre, est-ce que c'est considéré comme An-Nubuwa, est-ce que c'est considéré comme une prophétie propre, c'est-à-dire qu'on va considérer la personne comme une envoyée ou pas? Alors, il rapporte les savants de la Al-Sunnati wal-Jama'a que ce n'est pas considéré comme tel. Et il rapporte que dans les femmes, il y a ce qu'on appelle siddiqat. Siddiqat, c'est-à-dire des biens ou des très sincères. Des femmes qui sont considérées comme très sincères. Des véridiques, des femmes très véridiques. Siddiqat, comme bien sûr c'est le surnom qui est donné à Abu Bakr Siddiq, le très véridique. Mais ce ne sont pas considérés, mais elles ne seront pas considérées, ces femmes-là, comme des envoyées. Et c'est pour ça, il va donner une preuve par rapport à cela. C'est qu'Allah Azzawajal, lorsqu'il a parlé de Isa et qu'il a parlé de sa mère, dans le verset suivant. Donc le verset suivant, يقول الله عز وجل ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام فالشاهدنا وأمه صديقة. Ici, يقول فوصفها في أشرف مقاماتها بالصديقية فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام فهي صديقة بنص القرآن. Ici, nous rapporte une preuve qui est très judicieuse. Cette preuve-là, c'est que lorsqu'Allah Azza wa Jalla dans ce verset, Mal Masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qabli ar-rusul. Donc au départ, il parle de Jésus, Al-Masih. Mal Masih ibn Maryam, c'est-à-dire Al-Masih, le fils de Marie, n'est qu'un envoyé. Qad khalat min qabli ar-rusul. Et d'autres envoyés sont passés avant lui, sont venus avant lui. Et ensuite il parle donc de sa mère, et il dit Allah Azzawajal, c'est-à-dire sa mère à qui? Al-Masih, à Jésus. Et Allah Azzawajal nous dit donc cette parole comme donc caractéristique de cette femme-là, Maryam, elle est siddiqa, c'est une très véridique, une sincère siddiqa. Comment on va comprendre en fait cette preuve et l'aspect argumentatif de cette preuve? C'est tout simplement qu'Allah Azzawajal, à ce moment-là, lorsqu'il cite la mère de Isa, il la cite fi maqam al-tashrif, c'est-à-dire à un moment où il fait apparaître en fait l'honneur de cette femme et la grandeur de cette femme. Donc si ça aurait été une prophète ou une envoyée, il l'aurait cité comme telle. Parce que, bien sûr, la prophétie, c'est le plus haut des niveaux. C'est le plus haut des niveaux, la prophétie. Donc à ce moment-là, lorsqu'Allah Azzawajal il cite la caractéristique de cette femme-là, et qu'à ce moment-là, il faut donc citer ce qui est, ce qui fait le plus honneur et ce qui relate la grandeur de cette femme-là, il va donc la nommer par ce qui est le plus haut. Et il dit, c'est Dira. Il n'a pas dit Nabiya, Aou Rasoula, Aou Nabiya. Il ne l'a pas dit, Allah Azzawajal. Il a dit, c'est Dira. Donc ici, c'est bien une preuve que cette femme-là, c'était donc une très véridique, et non une prophète, et non une envoyée. C'est pour ça qu'il dit, Faya Siddiqa bin Nasr Qur'an. Donc elle est considérée comme une très véridique, comme nous le cite le Coran lui-même. Donc à partir de là, on s'aperçoit donc que les trois femmes dont le chien a fait allusion, c'est-à-dire Sarah, et également Maryam, et également la mère de Moïse, Moussa, ces trois femmes ont été des femmes très véridiques. Et Allah Azzawajal leur a fait une révélation qui était restreinte, propre à elles seulement. Et à partir de là, elles ne sont pas considérées comme des envoyées. Et ce qui va appuyer encore notre parole, comme nous dit le Cheikh, يقول كما أن النساء لسنا من أهل النبوة والرسالة. Comme les femmes ne font pas partie des gens de la prophétie et de Ar-Risala, c'est-à-dire bien sûr la prophétie ou la lettre, c'est-à-dire de transmettre le message. كذلك ليس لهن ولاية. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas également une autorité, qu'elle soit une autorité qui est générale, d'ordre général, ou une autorité qui est d'ordre restreinte sur les hommes. Elles n'ont pas d'autorité, les femmes, par rapport aux hommes. Et Anna Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam, et là il va nous donner la preuve de cela. Il nous dit le Shia, lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a été informé, « Lamma balarou anna al-fors » Wallaw alayhim ibnatu Kisra, c'est-à-dire que lorsque les forces, ils ont en fait mis comme dirigeante la fille de Kisra, de leur roi Kisra. Qu'est-ce qu'il a dit lorsqu'il a su ça, le prophète sallam? Et ça c'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Qala lan yafraha qawmun wallaw amra'um imra'a. Il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, un peuple, jamais, l'an, c'est-à-dire jamais, l'an, fil mustaqbal, fil hadir ou mustaqbal, c'est-à-dire en état présent et dans un état futur, jamais ils ne réussiront. Qui ? C'est-à-dire un peuple qui ne réussira jamais qui ? Un peuple qui a donné l'autorité, leur autorité à une femme. C'est-à-dire l'autorité, bien sûr, ici, qui est une autorité générale, qui va être considérée comme la chef, qui va être considérée comme la présidente, etc. Donc il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'an yafrah. Qawmun wallaw amra'um amra'um imra'a imra'atan. Donc on voit ici que c'est une preuve pour ce qu'avance le shir hafidhahullah. Et ce hadith, bien sûr, c'est le hadith de Abi Bakr et qui est dans Sahih al-Bukhari. Tayyib. Ensuite le shir, on a dit qu'il allait donc parler par rapport à deux termes. Le deuxième terme, donc le premier terme c'était Rijalan, et il nous a donc expliqué, et le deuxième terme c'est Min Ahli al-Qura, Min Ahli al-Qura, comme dans l'ayat. Illa Rijalan Nuhi ilayhim Min Ahli al-Qura. Donc on le traduit de cette façon, c'est-à-dire des hommes originaires des cités, bien sûr les cités ou la ville ou un grand village, etc. C'est-à-dire lorsqu'on dit en fait al-Qura, c'est contraire à la partie, en fait, une partie qui va être une région désertique, là où habitent les Bédouins, en fait. Donc c'est un petit peu où on va dire vraiment le petit village, etc. Même pas village, parce que même un village c'est considéré comme Al-Qura. On va dire une partie désertique, où il n'y a pas en fait beaucoup d'habitations, simplement les gens vivent comme des nomades, en fait. À la kulli hal, c'est ce qu'on entend par le terme Al-Qura, c'est-à-dire ville ou village, etc. Min ahli al-Qura. Donc en fait, qu'est-ce qu'il dit le shir? C'est-à-dire que les envoyés, tous les envoyés sont seulement des gens qui font partie donc des cités, qui font partie des villes, des villages. Ça en fait c'est l'illa, ça c'est la cause. Quelle est la cause? Donc on a vu qu'il y avait une cause par rapport au fait qu'Allah Azzawajal a choisi parmi ses envoyés des hommes, une cause bien précise. On voit ici la deuxième cause, pourquoi il les a choisis, ces hommes-là, il les a choisis parmi les gens de la cité, parmi les gens de la ville. Il dit وَذَلِكَ لِرَقَّةِ قُلُوبِهِمْ, c'est-à-dire la douceur de leur cœur, وَلَيِّنْ تِبَعِهِمْ, et leur bon comportement, ou leur, on va dire, leur nature, leur fine nature, ou leur nature qui est douce. Donc c'est ici que le chef il nous fait apparaître quelle est la différence min ahli al-qura, ahli al-badia, c'est-à-dire les gens, les bédouins en fait, ceux qui vivent dans le désert. Bikhilafi ahli al-badia, et ça c'est connu, c'est même connu d'après la sunna du prophète sallam, que les gens qui vivaient comme bédouins, c'était des gens qui étaient durs au niveau du caractère, qui avaient un dur caractère. Donc contraire, layyin tibarim, c'est-à-dire un caractère qui est dur, alors que les envoyés, eux, ils ont un caractère qui est doux. Et c'est pour ça qu'ils ont été choisis, ils ont été choisis parmi les villes, les cités, les villages. Et donc, comme je vous ai dit, dans la sunna, on trouve beaucoup en fait que les gens, les bédouins, ont un caractère qui est dur. Et il y a beaucoup d'exemples dans la sunna par rapport à cela, contrairement justement aux gens de la ville, aux gens de la cité. Fumayakou le shir, peut-être qu'il y a un autre ishkal avec un verset, et il va l'expliquer. Wala yunafi ma ja'a fi hadi surati fi qawli ta'ala an Ya'qub. C'est dans la même sourate, il y a en fait une parole d'Allah Azzawajal à propos de Ya'qub qui est venue dans le Coran. Wa ja'a bikum min al-badwi. Donc Ya'qub est venu, lui, d'où? Donc de ce qui est considéré comme l'habitation des bédouins. Où habitent les bédouins, le désert, min al-badwi, comme a fi hadhihi al-aya. Wa ja'a bikum min al-badwi. Donc min al-badwi, c'est bien sûr là où habitent les bédouins. C'est-à-dire, ça revient en fait au terme ahli al-badia, comme il a expliqué le shir. Yaqul li anna man dhaba min al-hadirati ila al-badiyati fatratan min al-zaman la yukhrijuhu an kawni habariyan. Tayyib. Il nous dit tout simplement qu'une personne qui vit dans la cité, ou qui est originaire de la cité, et qui va vivre une partie de sa vie, même si elle est assez longue ou plus courte, il va vivre une partie de sa vie dans une région désertique, etc. Ça ne le fait pas sortir en fait de son caractéristique naturelle et principale, qui est en fait que c'est un homme, ou qu'il est considéré comme un homme d'où? De la ville. Taïb. Donc en fait, dans ce verset-là, Wajaa bikum min al-badwi, il est venu en fait de cette région désertique, mais à l'origine il habite, il a vécu, Ya'qub, dans une cité et dans une ville. Et bien sûr Ya'qub alayhi salam fait partie des envoyés. Donc en fait on comprend le verset comme tel, et il n'y a pas d'ambiguïté avec, ou de contradiction avec le verset qu'on est en train d'étudier. Illa rijalan nuhi ilayhim min ahli al-qura. Et comme il nous dit également le shir, ça aussi on le considère comme le contraire, comme anna man jaa min al-badiyati ila al-hadirati fatratan min zaman la yaj'aluhu habariyan. C'est-à-dire le contraire, une personne qui a tout le temps vécu dans le désert et qui vient ensuite habiter une partie de sa vie ou une partie de son temps dans une cité, ça ne va pas en fait le changer. Il va rester suivant caractéristiques et sa nature première, et qu'il a donc acquéri lorsqu'il a vécu au désert. Donc également le contraire. Donc c'est pour appuyer le shir ce qu'il a avancé. Ensuite le shir, hafizahullah, il va passer à un deuxième verset de surat Yusuf, et qui est le verset 110. Donc c'est le verset tout de suite après. Le verset 110. يقول الله عز وجل حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. Donc ça c'est surat Yusuf, et c'est le verset 110. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. Quand les messagers firent perdre l'espoir, et que leur adepte, c'est-à-dire ceux qui les suivent, eurent pensé ou leur. Donc c'est traduit ici par, comme vous le voyez, traduction, et que leur adepte. On voit que c'est encore plus général, c'est-à-dire leur peuple. C'est en fait leur peuple. Ils eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours. Ja'ahum nasruna. Et furent sauvés ceux que nous voulûmes. Fanudjia. Fanudjia men nasha'u. Et notre regard ne serait être détourné des gens criminels. Taïb. On va voir également que la langue arabe, elle est précise. Et comme peut-être beaucoup d'entre vous étudient en ce moment la langue arabe, vous entendez le terme Ashidda. Et Ashidda, comme vous savez, c'est une sorte de symbole que l'on va mettre au-dessus des lettres de la langue arabe. Et bien sûr, il va avoir une prononciation qui va être différente. C'est un peu comme un petit W ou un M à l'envers, que l'on voit en fait lorsqu'on remarque l'écriture arabe. Et on va voir que cette toute petite lettre, lorsqu'elle est enlevée ou lorsqu'elle est attribuée ou attestée sur un mot, elle va changer en fait le sens de la phrase. Et c'est le cas ici, par rapport au terme Kouzibou, qui vient en fait du terme Kazaba, et qui, Allah Sirat al-Majoul. Allah Sirat al-Majoul, et qui vient du verbe Kazaba. On a que c'est Kouzibou. Et bien sûr, on va voir l'explication. Il nous dit que par rapport donc à ce verbe qui se trouve dans le verset, donc, وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا. Il va nous dire le shirk qu'il y a deux qira'atan, c'est-à-dire qu'il y a en fait deux lectures. Et bien sûr, on sait que dans le Coran, il y a plusieurs lectures. Des lectures qui sont considérées comme valables et des lectures qui sont considérées comme non valables. Et ça, bien sûr, c'est les savants qui mettent en évidence ce qui est valable et ce qui n'est pas valable. Ici, en l'occurrence, sur le terme Kouzibou, il y a deux lectures. C'est-à-dire qu'elle a été... Ce verset a été lu de deux manières différentes, et que ces deux manières différentes de lire le verset sont valables. La première, c'est Kouzibou, de cette façon, et c'est ce qu'on a lu maintenant, c'est-à-dire sans Shidda. Et la deuxième lecture, c'est Bishidda, c'est-à-dire Kouzibou. Kouzibou. Donc la première, c'est Kouzibou, d'un Shidda, et la deuxième, c'est avec Shidda. Kouzibou. Taïb. Si on peut écrire les deux termes de manière différente, avec le shidda ou le neshidda, le shir va nous expliquer la première lecture, et donc avec bishidda, yani bitajdid, c'est-à-dire kuzibu, bi at-tajdid, kuzibu. Il va nous dire que ici, dans ce cas-là, les pronoms qui sont utilisés dans le verset vont revenir en fait à qui ? Vont revenir aux envoyés. Wa yaqsidi huna wa dhannu wa kudhibu. Tayyib. Fa yaqul ash-shaykh takun ad-dama'iru kulluha raji'atan ila ar-rusul. Mithla dhalika qawlu ta'ala wa laqad kudhibat rusulun min qablika fa sabaru 'ala ma kudhibu wa udhu hatta ataahum nasruna. Wa laqad kudhibat. Donc on voit ici le terme kudhibat, il est employé ensuite. Walaqad kudhibat rusulun min qablika fa sabaru 'ala ma kudhibu 'ala ma kudhibu. Et donc ici le shahid ma kudhibu 'ala ma kudhibu wa udhu hatta ataahum nasruna. Ça c'est fi sourate al-an'am, c'est le verset 34. Si maintenant on prend la première lecture et qui est kudhibu, alors c'est cette signification qui est présente dans le verset. Donc maintenant qu'on voit la traduction du verset, certes, des messagers avant toi ont été traités de menteurs. Ils enduraient alors constant d'être traités de menteurs et d'être persécutés jusqu'à que notre secours leur vint. Donc si on dit Kouzibou, tout simplement ça veut dire que ce sont les envoyés qui ont été traités de menteurs. C'est-à-dire qu'on a dit qu'ils ont menti. Et ça, c'est beaucoup arrivé par rapport aux envoyés lorsqu'ils ont été envoyés à leur peuple. Beaucoup de leur peuple ont refusé. Ils les ont traités de menteurs. Comme c'est arrivé également à notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, avec Quraysh, avec sa tribu elle-même, qui l'ont traité de menteur. Kuzibu, qad kuzibu, ja'ahum nasruna. Donc c'est à ce moment-là que la victoire et le secours d'Allah Azzawajal est venu. Et qu'il secourt qui il veut, subhanahu wa ta'ala. Donc ça, c'est la première compréhension de ce verset, suivant bien sûr cette lecture. La première lecture, bitajdid, bishidda, yani kuzibu. Taïb. Par contre, à la qira'at al-tarfif, donc bien sûr le contraire de tajdid, al-tajdid c'est al-tarfif. Et c'est bien sûr sans qu'il y ait donc cette alishidda, sans qu'il y ait ce signe, ce symbole au-dessus. Et c'est ici la lecture que l'on a faite du verset en premier, et c'est également la traduction donc qui va dépendre de cette lecture-là. C'est-à-dire ici le terme kuzibu, le verbe kuzibu bitakhfif, yani dun at-tajdid. فيقول الشيخ وعلى قراءة التخفيف يكون رجوع الضمير في قولي وظنوا إلى أقوام الرسل لا إلى الرسل. C'est-à-dire ici que les pronoms vont revenir où ça? Vont revenir au peuple des envoyés et non aux envoyés eux-mêmes, comme c'était le cas dans la première lecture du verset, c'est-à-dire bi ashidda kuzibu. Et ici kuzibu, les pronoms vont revenir où ça? Vont revenir au peuple. Donc on voit que c'est général, aqwam, c'est pas les adats ici, c'est les peuples comme c'est ici traduit. Donc les peuples c'est bien plus général. C'est bien plus général que le terme adat. Adat c'est-à-dire ceux qui ont suivi les prophètes, alors que les peuples c'est bien plus général. Et el marna, ma wal marna huna, quelle est en fait la signification? La signification c'est tout simplement lorsque les envoyés ont failli perdre espoir de la foi de qui? De leur peuple. C'est-à-dire qu'ils ont cru que jamais leur peuple allait croire. Et que ceux à qui ils ont été envoyés, c'était donc leur peuple, ont cru qu'on leur a menti par rapport à leur promesse. وَظَنُّوا الْمُرْسَلِ إِلَيْهِمْ أَنَّ الرُّسُلَ قَدْ كُذِبُوا فِيمَا وُعِدُوا بِهِ مِنَ النَّصْرِ جَاءَهُمْ نَصْرُ اللَّهِ. Et bien sûr, eux, ils font allusion ici à Allah Azzawajal. C'est-à-dire comme si Allah Azzawajal, après leur avoir promis la victoire et le secours, comme si c'est les peuples de ses envoyés ont cru à ce moment-là que Allah Azzawajal n'a pas en fait tenu sa promesse. C'est ça en fait el-marna. Donc ça c'est par rapport au terme anibit-tarfif, kuzibu. Et c'est pour ça qu'on voit maintenant dans la traduction, quand les messagers faillirent perdre espoir, eurent pensé qu'ils étaient dupés, voilà que vint à eux notre secours, et que leur peuple eurent pensé qu'ils étaient dupés. Donc ils étaient dupés par rapport à Allah Azzawajal. Et bien sûr c'est du kufr. Mais bien sûr ça revient à qui? Ça revient à leur peuple. Donc ça c'est la deuxième compréhension suivant la deuxième lecture. Taïb. Et c'est en fait le choix de Ibn Jarir, fi tafsir yani Ibn Jarir al-Tabari, dans son grand tafsir, et qui est bien sûr considéré Ibn Jarir comme imam al-Mufassirin. Et c'est une parole qui la rapporte de Ibn Abbas, ou un avis qui dit que c'est l'avis de Ibn Abbas, de Ibn Mas'ud, wa kadhalik Mujahid, وقبله سعيد بن جبير والضحاك et tout cela bien sûr avec des isnad, avec des chaînes de transmission qui reviennent à leurs paroles. Et il rapporte une parole d'un des tabi'in, wa muslim ibn yassar, qui a demandé à Saïd ibn Jubair, قال يا أبا عبد الله. C'est-à-dire ici il va nous faire encore plus comprendre le verset suivant, mais sur la lecture qu'on a dite souvent en fait. La deuxième lecture. Ya Aba Abdullah, ayatun balarat minni kulla mablar. C'est-à-dire un verset que lui, il n'a pas réellement compris. Muslim ibn Yassar, qu'il n'a pas réellement compris, ou qu'il n'a pas en fait saisi la compréhension saine du verset. Yaqul hatta idha stayasa ar-rusul wa dhannu annahum qad kuzibu. Donc lui, il va comprendre que ceux qui les ont suivis, wa madha yaqul? Yaqul hadha fa hadha al-maut. Ceci est la mort. C'est-à-dire lui il va comprendre maintenant le verset comme si c'était les prophètes qui eux en fait ont cru qu'ils avaient été dupés par rapport à Allah Azzawajal. Fayaqul fa hadha al-maut. Lui donc il a mal compris le verset à ce moment-là. Aw nadhunnu annahum qad kuzibu. Ou que nous, c'est-à-dire en tant qu'adeptes, en tant que ceux qui suivent les prophètes, on croit, c'est dans le sens qu'il veut dire, on croit qu'ils ont été dupés. Et qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là? فقال سعيد بن جبير. Il va répondre en fait. Et regardez un peu la science comme c'est important. العلم. Et de prendre en fait la science des gens de science. De prendre la science des gens de science. Ceux qui Allah Azzawajal leur a donné le basir, dont ceux Allah Azzawajal leur a donné la lumière pour faire comprendre aux gens les versets du Coran, pour faire comprendre la sunna du prophète Sam. Qu'est-ce qu'il dit? Ya Aba Abdelrahman. Et bien sûr, Muslim ibn Yassar fait partie des savants parmi les tabi'in. C'est pas n'importe qui. Donc pour voir que bien sûr la science peut, la science parfois, même au plus grand, être absente sur certains points. Yaqul ya Aba Abdelrahman, hatta idha istayasa ar-rusul min qawmihim an yastajibu lahum. Donc maintenant il lui fait comprendre le verset. Il lui dit jusqu'à que les prophètes perdent espoir de qui? De leur peuple. an yastajibu lahum, c'est-à-dire qu'il leur répondent dans l'appel à la foi. Et ensuite, il explique ou il lit le verset ja'ahum nasruna fanujia min man nasha, fanujia man nasha wa la yuraddu ba'suna 'an al-qawm al-mujrimin. Et à ce moment-là, donc, vient le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sauve ceux qu'il veut, subhanahu wa ta'ala. نعم وظن قومهم أو وظن قومهم أن الرسل كذبتهم. Donc ensuite يقول فقال فقام مسلم قال فقام مسلم إلى السعيد فاعتنق وقال فرج الله عنك ما فرجت عني. Et à ce moment-là, lorsqu'il lui a donné la compréhension du verset, alors il s'est levé muslim. Et il a en fait serré Saïd et lui a dit cette dua, Farraj Allah, qu'Allah Azzajal te donne une issue, kama farrajta ani, comme toi tu m'as donné plutôt une issue, comme toi tu m'as donné une issue par rapport à ça, c'est-à-dire une issue sur la compréhension du verset. Alors que lui, il avait compris le verset d'une autre manière et que cette compréhension, bien sûr, était lourde, lui. Et lorsqu'il lui a fait, il lui a mis en évidence quelle était réellement cette compréhension, la compréhension sainte du verset, alors il était des plus heureux. Jusqu'à qu'il l'a serré contre lui et il lui a dit cette dua, Farraj Allahu anka kama farrajta anni. Ensuite, le shir, il va passer à Surat Ar-Ra'd et ensuite Surat Ibrahim. On va prendre en fait le verset qui se trouve, fi Surat Ibrahim. Surat Ibrahim, et qui est le verset 7. فيقول الشيخ قوله تعالى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد إن عذابي لشديد. يقول الشيخ وعد الله في هذه الآية من شكر نعمه بزيادة فيها وأوعد من كفرها بالعذاب الشديد. Dans ce verset, et lorsque notre Seigneur proclama, si vous êtes reconnaissant, très certainement j'augmenterai mes bienfaits pour vous. Mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. Donc Allah Azza wa Jalla, dans ce verset, il nous prouve que la personne, parce qu'elle reçoit des bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, et combien de bienfaits Allah Azza wa Jalla lui donne à l'être. Lorsqu'il reçoit ces bienfaits et qu'il est reconnaissant, Allah Azza wa Jalla, hada wa'd min Allah, subhanallah, hada wa'd. C'est-à-dire, ça, c'est une promesse d'Allah Azza wa Jalla dans son Coran. C'est une promesse d'Allah. Wa'adun min Allah. C'est quoi sa promesse? La'azidannakum bita'akid. La'azidannakum. C'est-à-dire, je vous augmenterai. Il va, Allah Azza wa Jalla, nous augmenter dans ses bienfaits. Si on est reconnaissant. Et bien au contraire, si on est ingrat, si on ne reconnaît pas, on n'est pas reconnaissant par rapport aux bienfaits d'Allah Azza wa Jalla, alors le contraire. Bil'adhab al-shadid. Inna adhabi al-shadid. C'est-à-dire mon châtiment sera terrible, subhanallah. Et ensuite il va nous citer un verset, le shir. Qala Allah Azza wa Jalla, wa daraba Allahu mathala qaryatan kanat aminatan mutma'inna ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. Ça c'est surat, c'est dans surat Nahl, les abeilles, c'est le verset 112. Et Allah propose en parabole une ville. Elle était en sécurité, tranquille. Aminatan mutma'inna. En sécurité et tranquille. Sa part de nourriture lui venait de partout en abondance. Ya'tiha rizquha. Subsistance. Ragadan min kulli makan. De partout et en abondance. Puis elle se montra ingrate. Fakafarat bi an'amillah. Elle se montra, c'est-à-dire bien sûr, les gens se montrent ingrats par rapport aux bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Fa'adhaqa Allahu libas al-ju'i wal-khawfi bima kanu yasna'un. Allah leur fit goûter, ou lui fait goûter, c'est-à-dire la ville, la violence de la faim et de la peur par rapport à ce qu'il faisait, bien sûr en tant que punition. Donc on voit ici que wala in kafartum inna adhabi lashadid, wallahu musta'an. Et bien sûr, comme nous dit le shir, il nous dit comment est la reconnaissance envers Allah Azza wa Jalla. Yaqul wa shukrullah 'ala ni'am yakun bil iqrar biha. Avant que tu reconnaisses, dans le premier temps, c'est que tu reconnaisses ce bienfait, tu reconnaisses en toi-même ce bienfait. Combien de gens, ils ont des bienfaits ils ne les reconnaissent même pas, subhanallah. Donc la première chose, c'est al-iqrar, reconnaître ces bienfaits sur toi. Wa at-tahadduth biha, c'est-à-dire en parler de ces ni'amah, de tous ces biens, de ces ni'amah, de tous ces biens, d'en parler autour de toi. Qu'Allah azawajal, c'est lui qui a donné ces ni'amah. Wa hamidullah alayha, c'est-à-dire qu'il fait la louange à Allah azawajal par rapport à ces ni'amah. Wa sarfuha fi ta'ati ta'ala wa ma yuqarribu ilayhi. Et également, donc adorer Allah azawajal, c'est-à-dire suivre ce qu'Allah azawajal nous a ordonné, c'est-à-dire obéir à Allah azawajal. Donc ces ni'amah, ces bienfaits, les placer dans la voie d'Allah azawajal, les placer dans la voie d'Allah azawajal, dans l'obéissance à Allah azawajal et dans tout ce qui nous permet de nous rapprocher à Allah azawajal. Allah azawajal t'a donné la santé, alors par la santé que tu as, cette santé de ton corps que tu as, alors fais ce qui plaît à Allah azawajal de par ton corps et fais ce qui te permet de te rapprocher auprès de lui. Ça c'est shukr, ça c'est la reconnaissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa yaqul ash-shaykh wa ni'amullah la tu'ad wa la tuhsa. Bien sûr, on ne peut comptabiliser les bienfaits d'Allah Azzawajal. Ça, c'est impossible. Comme a dit Allah Azzawajal, « وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » C'est-à-dire, il n'y a pas un seul bienfait sans qu'il ne vienne d'Allah Azzawajal. C'est-à-dire que tous les bienfaits viennent d'Allah Azzawajal. « وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ » Subhanahu wa ta'ala. Et également, il a dit Allah Azzawajal, « وَإِنْ تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. » C'est-à-dire, si vous comptez maintenant les bienfaits d'Allah Azzawajal, si vous commencez à compter les bienfaits d'Allah Azzawajal, qu'il vous a procuré, qu'il vous a octroyé, qu'il vous a donné, subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha. C'est-à-dire que vous ne pourrez pas les déterminer, tellement il y en a, subhanallah. Vous ne pourrez pas les déterminer, les dénombrer, na'am. ويقول الشيخ وأعظم النعم نعمة الإسلام والهداية إلى الصراط المستقيم. Ça c'est la plus grande, c'est la plus grande des ni'amas. La plus grande des ni'amas, c'est l'islam. Que la personne soit musulmane, ça c'est la plus grande des ni'amas. والهداية إلى الصراط المستقيم. Bien sûr, la guidance sur le droit chemin. Ça fait partie des, et c'est là, ça fait pas partie, c'est la plus grande ni'amas. Et même l'imam Ahmed, il disait ni'matan, ni'mat al-islam wa ni'mat al-sunna également, bien entendu. Et ça s'est compris dans la parole du shir wal hidayati ila sirat al-mustaqim, c'est-à-dire être sur le droit chemin. Et bien sûr, le chemin de la sunna, le chemin de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Combien de gens qui rentrent dans l'islam, ou qui sont musulmans mais qui sont à côté de la plaque par rapport à la compréhension de l'islam, par rapport au suivi de la sunna, wallah al-musta'an. Donc, ni'ma, la ni'ma de l'islam et la ni'ma de la sunna. Oui, nous dit le shir, wa min al-ni'am ni'matul mal, c'est-à-dire le bienfait de l'argent, des biens de façon générale, wa rizq, la subsistance, al-walad, les enfants, as-siha, la santé, al-afiya, c'est-à-dire la sûreté, être en sûreté et être sain dans son corps, etc. wa ghayruha, c'est-à-dire encore beaucoup d'autres. Wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam ni'matan marbunun فيهما كثير من الناس الصحة والفراغ الصحة والفراغ. C'est un hadith qui est rapporté par Al-Bukhari dans son authentique hadith d'Ibn Abbas. Ni'matan, c'est-à-dire deux. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallam ici va nous faire part de deux ni'ma. La première ni'ma, c'est as-siha, c'est bien sûr la santé. La deuxième ni'ma, c'est al-faragh, c'est le temps libre. Ça, c'est deux grandes ni'ma, subhanallah, ni'ma ajiba. Qu'est-ce qu'il dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ni'matan marbounun fihima kafirun minan nas. Qu'est-ce que ça veut dire ce terme marboun? Ce terme en fait, il vient du mot al-raban ou al-raban. Al-raban ou al-raban. Et qui vient du verbe rabana. Qui vient du verbe rabana, bilrain, rabana. Et ça en fait, ça veut dire lésé. Ça veut dire lésé. Il nous dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam que c'est à travers ces deux ni'mas, beaucoup de gens, ou la plupart des gens, kathirun minan nas, beaucoup de gens sont lésés. Comment ça ils sont lésés? C'est-à-dire, maintenant on va te donner deux ni'amas, et par rapport à ces deux ni'amas, tu es lésé. Comment ça se fait? Comment ça va se passer? Un des savants explique ce hadith. Et c'est Al-Allama At-Tayyibi, comme nous le rapporte en fait Ibn Hajar dans son dans l'explication de Sahih al-Bukhari al-Fath. En fait, il va faire comme une parabole. Parce que le terme Rabbana, on l'utilise beaucoup au niveau du commerce. C'est-à-dire lorsque quelqu'un lèse une autre personne par rapport à ses biens, par rapport au commerce. Lorsque tu es lésé par une personne dans tes biens, ou par rapport bien sûr à un commerce. Donc c'est beaucoup un terme qui est utilisé dans le vocabulaire commercial, du commerce. Il nous dit en fait, lorsque tu as un commerce, tu as un capital. Tayyib, tu as un capital. Ras al-mal, laysa kadhalik. Et ce capital-là, qu'est-ce que tu fais bien sûr? Dans un premier temps, tu cherches à le préserver. Et tu cherches de ce capital des bénéfices. C'est le projet de tout commerçant. Il y a un capital qui ne dort pas, un capital qui lui rapporte des bénéfices. Il nous dit que le capital ici, c'est donc ces deux ni'amas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a informés. La santé et le temps libre. La santé et le temps libre. Et que le bénéfice qu'on va en tirer de ces deux ni'amas qui sont donc considérés comme un capital, ce sont donc les bonnes actions. Des bonnes actions qui vont en fait nous permettre d'accéder au bien d'ici-bas et également au bien de l'au-delà. Et bien entendu, la personne, lorsqu'elle a un capital, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait attention de ne pas être lésée par rapport à ce capital. C'est-à-dire que lorsqu'elle va faire un commerce, elle ne va pas aller vers n'importe qui. C'est-à-dire investir avec n'importe qui, avec des gens ou dans une société ou etc. Elle va d'abord s'informer, elle va chercher des gens qui sont dignes de confiance, des gens qui sont sincères, des gens qui sont droits. Les sakadaliques, c'est ce que fait en fait la personne lorsqu'elle a un capital. Donc elle cherche en fait un bénéfice et elle cherche donc à bien sûr préserver également ce capital. Ça c'est dans un premier temps, le deuxième temps bien sûr les bénéfices. Donc c'est ce qu'elle fait la personne. Elle cherche à ne pas être lésée. Tayyib, ici c'est pareil. Lorsque le prophète Sami dit marboun, c'est-à-dire que certaines personnes sont, ou la plupart des gens, kafir ou minannas, beaucoup de gens sont lésés par rapport à ça. Pourquoi ils ont eu un capital? Ils n'ont même pas su profiter de ce capital qui est la santé et le temps libre. Ils n'ont même pas réussi à tirer des bénéfices, des profits de ce capital. Ils n'ont pas fait de bonnes œuvres, de bonnes actions qui donc leur aient permis d'avoir un grand bénéfice non seulement dans l'ici-bas et également dans l'au-delà. Donc c'est dans ce sens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il utilise ce terme marboun. C'est-à-dire qu'ils ont été lésés par rapport à cela. Ils n'ont pas su en profiter. Wallah al-musta'an. Et ça, c'est Adi Musiba. Ça, c'est une Musiba que la personne est en santé et qu'elle a du temps libre et qu'elle ne sache pas en fait en profiter dans ce qui lui est profitable, bien sûr, par rapport à la religion. Et il nous dit, le shir al-qudwa, wal-uswa fi shukri ni'am nabiyuna sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, le meilleur des exemples dans la reconnaissance des biens d'Allah Azzawajal, c'est notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Notre prophète dont ses péchés ont été pardonnés. Tous ses péchés, d'avant et d'après, ont été pardonnés. Et qu'est-ce qu'il faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? C'est-à-dire qu'il se levait durant la nuit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce que ses pieds se fendaient. Il restait debout, il priait jusqu'à ce que ses pieds se fendaient. C'est-à-dire lorsqu'elle lui a fait remarquer à Aïcha, elle lui a dit que comment toi tu fais cela durant toute la nuit alors qu'Allah Azza wa Jalla t'a pardonné tes péchés? Qu'est-ce qu'il lui a répondu le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Afala uhibbu an akuna abdan shakura. Afala uhibbu an akuna abdan shakura. C'est un hadith qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Il dit, est-ce que j'aimerais être c'est-à-dire bien sûr j'aimerais être an akuna abdan shakura, c'est-à-dire être un esclave ou un serviteur reconnaissant. Shakura, reconnaissant. Alawaj fa'ul, yani al-mubalagha huna. Shakur, c'est-à-dire très reconnaissant envers Allah Azza wa Jalla. Dans une autre version, afala akuna abdan shakura, est-ce que je ne serai pas un serviteur très reconnaissant? C'est donc un hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, également par l'imam muslim. Et le shir va nous rapporter également des paroles d'Allah Azza wa Jalla dans son Coran par rapport l'éloge qu'il a fait de certains de ses envoyés, comme l'exemple de Nuh alayhi salam. Yaqul innahu kana abadan shakura. Il était un serviteur très reconnaissant. Wa athna ala Ibrahim shakiran li an'umihi. C'est-à-dire qu'il était donc reconnaissant par rapport aux bienfaits d'Allah Azza wa Jalla. Ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim. Il l'a élu et l'a guidé sur le droit chemin. Et également, Akhbar an Shukr Suleyman, le roi Suleyman, lorsque il lui était apporté le trône de Belqis, de la femme Belqis, فقال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. Lorsqu'il l'a vu établi, posé devant lui, auprès de lui, قال هذا من فضل ربي. Ceci, donc on voit l'iqrar et tahadduth, c'est-à-dire non seulement ici il reconnaît cette ni'ma d'Allah Azzawajal et il en parle, il le dit, قال هذا من فضل ربي. Ceci est un bienfait de la part d'Allah Azzawajal. ليبلوني أشكره أم أكفر. Afin en fait qu'il me teste, est-ce que je vais être reconnaissant ou est-ce que je vais être ingrat. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه سبحان الله. Et celui qui est reconnaissant, il est reconnaissant pour lui-même. يقول الله عز وجل في هذه الآية وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. Si t'es reconnaissant, ya Abdullah, envers les bienfaits d'Allah عز وجل, ce profit que tu vas en tirer de cette reconnaissance, c'est pour toi-même. Allah Azzawajal ghaniyun, ghaniyun anil alamin. Allah Azzawajal, il est riche des mondes. C'est toi qui vas en profiter de cette reconnaissance. Wa man shakara fa inna ma yashkuru li nafsihi. Wa man kafara fa inna rabbi ghaniyun karim. Subhanallah. Et également, dans un hadith qui est rapporté par l'imam Muslim, dans son authentique, yaqulu an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, et ça c'est un hadith également qui est un grand hadith du prophète Sam, ajaban li amri al-mu'min. Ajaban li amri al-mu'min. C'est-à-dire que l'affaire du croyant est quelque chose d'incroyable. Ajaban li amri al-mu'min. Inna amrahu kullahu lahu khayr. Inna amrahu kullahu lahu khayrun. C'est-à-dire, son affaire au croyant, il est bien pour lui. Tout est bien pour lui. C'est-à-dire, toutes les choses. Tout ce qui arrive aux croyants d'Allah, tout ce qui arrive aux croyants, à Ibadullah, des biens. Tout ce qui lui advient, c'est un bien. Tout ce qui lui advient, subhanallah. C'est-à-dire que cela est uniquement pour les croyants, pour personne d'autre. C'est ça, c'est uniquement pour les croyants. C'est-à-dire que tous ces biens, ou parfois toutes ces affaires, sont considérées comme un bien. In asabathu sarraun shakar. C'est-à-dire, si il lui advient quelque chose qui va le rendre heureux, une bonne chose, un bien, shakar, c'est-à-dire il va être reconnaissant, le croyant. Il va être reconnaissant vers Allah Azzawajal comme il se doit. Fakana khayran lahu. Donc c'est un bien pour lui. Allah Azzawajal, il va encore, c'est yazid lahu, c'est-à-dire il va encore lui augmenter, subhanahu wa ta'ala. Wa in asabathu darra ou sabar. Fakana khayran lahu. Et le contraire, s'il advient une chose, c'est-à-dire un préjudice dans cette vie d'ici-bas, alors il patiente. Le croyant, il patiente. فَكَانَ خَيْرًا لَهُ. C'est un bien pour lui. Allah Azzawajal, de par cela, il va l'élever en degré. De par cela, il va lui pardonner. Il va lui expier ses péchés. Subhanahu wa ta'ala. Donc c'est un bien. Que un bien fait, quelque chose qui le rend heureux, lui advienne, ou quelque chose qui le rend malheureux, un préjudice, un mal fait, c'est un bien également pour lui, parce qu'il va patienter, le croyant. Et donc, à partir de là, il va en tirer également bénéfice. Donc, le croyant, le véritable croyant, toutes ses affaires, ce sont des biens. Tout ce qui lui advient dans cette vie d'ici-bas, c'est un bien. Et ça, c'est minyamatillah, subhanallah. Wala shak que cela, c'est simplement pour le croyant. Lorsqu'on voit, en fait, les gens qui sont autour de nous, ceux qui sont da'if al-iman, ceux qui sont vraiment des très très faibles au niveau de leur foi, ou ceux qui ne sont non-croyants, on voit, lorsqu'il leur advient par exemple un malheur, ils s'entêtent sur ce malheur, ils se replient par rapport à ce malheur, et ils sont en fait, subhanallah, le reste de leur vie, hein, comme si en fait tout avait été détruit. Ils ne patientent pas, et ça c'est une moussiba. Et qu'est-ce que ça leur apporte? Qu'est-ce que ça leur apporte? Rien du tout. À ce comportement, ils ne changent rien du tout par rapport à ce qui leur est arrivé. Ils ne peuvent rien changer. Donc ça leur est d'aucun bénéfice. Par contre, le croyant, lui, ça lui est d'un grand bénéfice, comme on vient de le citer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, yaqul ajaban. Ajaban, c'est quelque chose qui est incroyable, l'affaire du croyant, subhanallah, dans cette vie d'ici-bas. Comme on dit par rapport aux gens, il s'apitoie sur son sort. Et ça, c'est la pire des, subhanallah, c'est le pire des adab. C'est-à-dire, c'est un adab dans cette vie d'ici-bas et également dans l'au-delà, parce qu'il n'a pas été patient. Et il était yani kafour, il était ingrat, il était mécréant envers son Seigneur. Wallah al-musta'an. Sallallahu alayhi wa sallam, yaj'alana min al-mu'minina haqqa. Subhanakallahum bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta. استغفرك وأتوب إليك